¿Qué pasa, parientón? ¿Cómo has estado, pariente? Pues sí, claro que sí, puta madre. El patrón Lacrim está con nosotros. Puro cártel de Sinaloa, plebes. Fierro, puro para adelante, loco. Mon entrée dans le terrain n'est pas fortuite. J'ai raconté la street, y'a du P38 Pro 1. Percé par les couilles, si tu veux nous faire, il en faut 8 pour 1. Oui, il en faut 100 pour 20. Chez nous, y'a pas de potrin. À la bac, elle ressemble à son cousin. Elle mérite pas de coutrin. Pas la maille, la médaille sans revers. Voilà, j'en ai que faire. À la foutre, j'arrive comme j'ai la dalle. Je prouve quand j'ai la balle. J'ai leur foutre, j'avance, je récupère. Bénef, ça fait très mal. La vie me rémunère alors qu'avant j'avais que dalle. Hey, Rio, Dubaï, Mali, Vegas, elle est, elle est. Prends que ta vanne, ta pute, reste où. Ouais, ouest, ouest, souvent la S. Mercedes, j'suis dans le S. Au vous plaît, j'démarre du 9-4, j'vais voir ma S, il a S. Connard, j'suis avec Kumar. Si c'est mal, on est pas si mal. RS3 pour lutter, tu vas te faire baiquer si tu rentres à la Castellane. Tu veux qu'on parte, télécharge signal. Moi prochain, ouais, ça sort du port. Chez nous, qualité, c'est le principal. Et comme ton pont, c'est la tête à Zidane. Happy end pour happiness. J'fais du sale, je te délaisse. À croire qu'il faut que je les baisse. Comportement de maîtresse. Frérot, si je les laisse, ils fouilleront dans mes faiblesses. Frérot, si je les laisse, ils fouilleront dans mes faiblesses. Et vous diront non, tout ce qu'on n'est pas. Cela c'est les pires, je leur répondrai pas. Combien par de choses qui ne font pas. Petit, ferme ta gueule, on se connaît pas. Petit, ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. On se connaît pas, tu fermes ta gueule. Je suis dans le dit, je sais bien l'autre. C'est parce qu'on le vit qu'on vous le dit. Tu dis à tout Paris que t'es en place, mais tu portes encore du sien outil. Je suis devant le bloc, une paire de Glock. Ça fait mon look, on roule en lock. Avec mes potes, qu'est-ce qu'on est fuck, on pique, on moque. Sale fils de pute, chez nous on tourne comme croire un autre. Get à la loupe, en 2006 je ramenais déjà de Guadeloupe. Y'a l'osé qui part au Pakistan. Entre frères, non, on se félicite. Que ça dans les gars, le bien dans l'illicite. Mais si tu parles un peu, moi je deviens distant. Dans mon siècle, quand j'ai des vrais pirates. Ouais, tu rafles quand tu vois la gauve passer. Chargé d'éther, mais demain je suis à Monaco. Je fais du sale, je te délaisse. À croire qu'il faut que je les baise. Comportement de maîtresse. Frérot, si je les laisse, ils fouilleront dans mes faiblesses. Frérot, si je les laisse, ils fouilleront dans mes faiblesses. Et vous diront non, tout ce qu'on n'est pas. Cela c'est les pires, je leur répondrai pas. Combien par de choses qui ne font pas. Petit, ferme ta gueule, on se connaît pas. Petit, ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. On se connaît pas, tu fermes ta gueule. Je suis dans l'audit, je suis bien loti. C'est parce qu'on le vit qu'on vous le dit. Tu dis à tout Paris.